ça se skipperait avec la vérité qui blesse. Et j'arrive pas avec perte et fracas. Et on a dit que je vais avoir des BU. Oh, on le marque comme une marque de respect. La chance n'est plus des nôtres. Du coup, certains font plus l'effort pour l'attendre, éteindre leur vision d'une épaisse fumée jaune. Marche ou crève, mais ne marche pas sur les autres et rêve autant que tu peux, car la vie te fera aucune éloge. Je marche avec autant de silence parce que ma plume est morte. Et rêve dans un monde qui ne serait rien s'il n'y avait plus de médocs. Avec mes yeux d'enfant, je marche à l'ombre et vu les portes, je prends le temps de dessiner mon rêve. Et pour l'heure, ce n'est qu'une éloge. Les grandes gueules, on chasse les bâtons qui traînent. Les moyens du port ont pris large, qu'on a perdu le capitaine. Marche ou rêve, on s'entraide. Une bonne nouvelle, on s'en pègue. Ouais, j'ai pris le big par amour, j'ai pas attendu la paye. Skip, zitoune, vas-y. D'hiver donne ça, marche ou rêve, c'est ça, sont les épaules à bob sap. J'endurcis mon édifice pour une façade bien efficace. Mes récits restent office à la manière d'un kamikaze. J'arpente le goudron humide et mon esprit se vide. Le reflet de mes pensées sur mon teint livide. Le palo peu rapide, mon cerveau prend le péri. Faisant le tri parmi tous ces trucs qui me visent. Ce qui me noue le bide, ce qui me met en speed. Ce qui brûle mes espoirs comme de la cire. Sur mon passage, les oreilles des murs se referment. Préférant un profond silence qui me glace l'épiderme. Peu à peu, mes pensées s'élèvent devant la consistance du silence épais forgé par l'épée et le glaive. Quand les paroles restent de la poudre aux yeux, j'ai la tête frère entre la lune et mes épaules. Rafistolant mes rêves brisés avec un peu de colle. Toujours à l'air même quand je décolle. Le calme avant la tempête dans un verre d'alcool. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec moi. Je pense à tout ce qu'on s'est dit. Sur le clan, sur la vie ici. J'économise mes dents pour ne croquer que les deux mains. J'ai peur de me lever un matin avec l'impression de crever de faim. C'est pourquoi je profite, hein. Pourquoi je ne remets plus à demain. Ce que je peux rêver de suite. Pourquoi je marche au lieu de courir. Pourquoi je marche au lieu de gober tout ce qu'on peut me dire. Je rêve, y'a pas de star, je viendrai pas de chien hit. Deuxièmement, y'a pas de stade, vire-moi tous tes pronostics. Rêve, ou roule un stick et vas-y, changez ton discours. J'ai les pieds sur terre, en place, même si t'as tapé 10 tours. Bienvenue en France, où chacun doit gérer sa life. Entre j'acteur, double face, comme cette Condoleezza Rice. Dio compte et qu'on s'arrache avec les mots dans l'emballage. Marche ou rêve, il est l'heure, même si on vit en décalage. Perdu entre la raison et le réalisme, on cherche à faire comme tous, on fait l'espoir à la créative. Pendant que certains idéalisent leurs songes, on reste plus réaliste. Un peu d'adrénaline et notre instinct devient plus créatif. Et c'est le temps qui court, qui parfois nous rend si fous. Qu'on dise pas qu'on s'est tous perdus parce que c'est le vent qui tourne. Si j'ai maintenu mon cap prenant en compte tous ces discours, c'est qu'au fond de moi je savais très bien que je n'étais pas si sourd. Clandestin, les grandes gueules, on s'entraide.